بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في معرفة السبب الذي وحد العرب وجعلهم أمة، وما ذلكم السبب إلا هذا الإسلام وهذا القرآن وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. C'est notre deuxième cours autour du fait de connaître c'est quoi le moyen qui a fait, c'est quoi la chose qui a fait l'union des Arabes alors qu'ils étaient dispersés avant l'islam et qu'ils n'avaient pas le sentiment d'être une communauté. Qui a fait exister ce sentiment de communauté chez les Arabes? Tout le bienfait revient à Allah Azza wa Jal, à l'islam, au Coran et à la sunna de Muhammad alayhi salam et à l'envoi de Muhammad alayhi salam comme prophète. فالإسلام إخوة الإسلام هو الذي أحكم اللغة العربية وحفظها، فكل يعلم أن الدولة الإسلامية التي قامت قد أصابتها عوارج الزمن، تفككت وضعفت وزال نفوذها السياسي، وأصبح هنالك تخلف فكري واجتماعي، ولكن اللغة العربية بقيت. لما؟ لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما هي لغة هذا الذكر يا عبد الله؟ إنها اللغة العربية، فهي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لها، لأنها هي لغة القرآن وهي لغة السنة. لأن الله عز وجل الإسلام a donné la perfection à la langue arabe. Et l'islam a préservé la langue arabe de toute forme d'altération. Tout un chacun de nous, qu'il y a eu un état islamique qui est arrivé à son apogée, à son âge d'or, et à un moment donné, il y a eu une déclinaison, une faiblesse à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau social, etc. Et vous voyez autour de vous ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de dessin. Et la langue arabe est restée telle qu'elle. La langue arabe est restée telle qu'elle, avec sa force et sa suprématie entre les autres langues. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans un verset qu'il a descendu la révélation et qu'il la protège. Mais c'est quoi la langue de cette révélation? La langue de cette révélation sur le Coran. La langue de cette révélation, c'est l'arabe. L'arabe, c'est la langue de la sunna et c'est la langue du Coran. Donc il est protégé min Allah Azza wa Jal. Et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala protège, rien ne peut les altérer. Ils n'ont que force et honneur et suprématie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Man min al-mustashriqin ou min adnabihim min al-mustaghribin kana yadhunnu anna shababan amthalakum fi bilad al-latinia يعكفون ويجهدون أنفسهم لتعلم لغة القرآن ما كان هذا في حسبانهم وما كانوا يظنونه ولكنها مشيئة الله عز وجل ثم عظمة هذا الدين qui parmi les orientalistes ou ceux qui les suivent parmi les occidentalistes, c'est-à-dire les littéraires arabes qui penchent vers l'Occident, etc., croyez que des jeunes comme vous, dans des pays latins, vont se pencher et apprendre la langue du Coran. Ils vont accomplir des efforts pour pouvoir parler cette langue, qui est la langue du Coran, qui est la langue de la dernière des révélations. Personne n'y pensait parmi les orientalistes ni les occidentalistes. C'est sorti de leur esprit. Mais ça, c'est le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi, et après le vouloir d'Allah Azza wa Jal, la puissance de cette religion. Faïda nadarta nadratan sari'atan ila l'umam fi lughatiha karamata hifd hadhi l'ugha. كيف حفظت لنا هذه اللغة اللاتينية مثلا نجد أن لغتها العامية متفرعة عنها قد تحولت إلى لغات مستقلة مع مر الزمان فمكان اللاتينية قامت الفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها من اللغات ما الذي أبقى اللغة العربية وحفظها؟ ما الذي منع أن يصبح بدل اللغة الواحدة لغات؟ أتمزق الدولة الإسلامية وضعفها إلى وتمزقها إلى دويلات؟ هو الذي حفظ أن يقع ذلك؟ لا والله ثم لا. إنه القرآن، إنه الإسلام، إنها سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنها إرادة الله قبل كل شيء. مع أن لم يعد هناك قوة لا فكرية ولا مادية ولا سياسية، بقيت هذه اللغة تعيش وتعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعيش ما دام هذا القرآن، وما دامت الشعوب تعيش لهذا القرآن. Donc, on jette un regard rapide sur les langues des communautés. On voit la forte protection de la langue arabe. Et tout ceci revient à Allah Azza wa Jal. On est le latin par exemple. Les dialectes qui dérivaient du latin sont devenus avec le temps et avec les siècles des langues indépendantes, les unes des autres. Prenez le français, l'espagnol, l'italien, tous dérivent du latin. Tous sont devenus des langues indépendantes. Et l'une est différente de l'autre, alors que leur racine est identique. Mais qu'est-ce qui a fait que la langue arabe a été préservée? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas beaucoup de langues qui sont nées de la langue arabe? Est-ce que c'est le déchirement de cette communauté? Est-ce que c'est la non-existence de la puissance musulmane qui a fait tout ça? Est-ce que c'est le fait que l'empire musulman s'est morcelé en petits pays qui a fait que cette langue soit protégée? Loin de là, rien de tout ça. Ceci, c'est le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Ceci est dû à Allah Azza wa Jal avant tout. Il y a le Coran, il y a l'Islam, il y a le Sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est ce qui a protégé et qui protégera cette langue jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus de puissance, ni au niveau du matériel, ni au niveau de la pensée, ni au niveau de la politique dans le monde musulman. Mais la langue reste et il restera malgré tout. Il restera jusqu'à la fin des temps. Il restera avec la parole d'Allah Azza wa Jal et avec la sunna du prophète jusqu'à la fin des temps. Et tant que les peuples musulmans, après l'arabe, après le Coran, cette langue restera. Ma min muslimin ayyuhal ikhwatu fillah fi ayyi baladin min al buldan illa wa yaqra'u al Quran 'ala al aqal 30 marra fi salatihi فهو اتصال دائم باللغة العربية الفصحى. Tout musulman qui existe, frère en Allah, Zawajal, sur terre, au moins, hein, il est en liaison avec la langue arabe, hein, au moins, il a une relation avec la langue arabe 30 fois par jour, dont 30 rak'at, les 17 obligatoires et les autres surrogatoires qu'il arrive à faire, sinon des fois plus, s'il fait partie des gens qui accomplissent beaucoup de surrogatoires. Dans sa prière, il est en relation tout le temps avec la langue du Coran, avec la langue arabe pure. Là où il soit, où qu'il soit, sur la planète. Et dans jami' anha' al-ma'mour yastami' al-muslimun ila khutbat al-jum'ah wa khutab al-'eidain wa yasma'una bil-lughah al-'arabiyyah al-fusha. Sur toute la planète, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, les musulmans se réunissent pour la prière du vendredi, pour la prière des deux fêtes, et ils entendent les khutab et les discours de ces journées en langue arabe pure. Les musulmans, ya wal khawatu fillah, kanu yqbaluna. يقبلون على دراسة الدين ودراسة أصول الدين ودراسة الحديث والتفسير ودراسة الفقه في المساجد والمدارس، وهكذا عاشت العربية بالإسلام وعلوم الإسلام وعاشت من أجل الإسلام وللإسلام. المسلمون فرعون الله عز وجل أبخان يتدي leur religion يتدي les fondements de cette religion. Étudie le hadith, l'interprétation du Coran, l'interprétation du hadith, la jurisprudence dans les mosquées, dans les universités, dans les écoles, dans les institutions. Ainsi la langue arabe a vécu pour l'islam et pour les sciences de l'islam. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. ولو أن اللغات العامية أصبحت كباقي اللغات الأوروبية لصار حالنا كحال دول الغرب. فالحمد لله أولا وآخرا على منه وكرمه وحفظه وعزه لهذا الدين وللغة هذا الدين. Et si la langue arabe est morte et que les dialectes régionaux ont pris le dessus, ben, la langue arabe serait devenue comme les autres langues occidentales et les autres langues latines. Et notre situation serait comme la situation de l'Europe et de l'Occident. Mais toute la louange revient à Allah Azza wa Jal en premier lieu. Et au bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui protège cette religion, qui donne l'honneur à cette religion, et qui protège la langue qui véhicule cette religion, qui lui donne l'honneur et la suprématie et la puissance. فلما وجدت اللغة الفرنسية أصبحت أمة هي الأمة الفرنسية، ولما وجدت اللغة الإيطالية أصبحت أمة هي الأمة الإيطالية، ولما وجدت اللغة الإسبانية أصبحت أمة هي الأمة الإسبانية. Quand la langue française est née, avec elle est née une communauté qui est la communauté française. Quand l'italien est né avec une communauté qui s'appelle la communauté italienne. Quand l'espagnol est né, il est né avec une communauté qui s'appelle la communauté espagnole. Et ainsi de suite. ولولا فضل الله عز وجل وهذا القرآن الكريم ثم هذا القرآن الكريم وهذا الإسلام لتكلم أهل المغرب ببربريتهم وأهل الجزائر بقباليتهم وبلهجاتهم المختلفة إلى غير ذلك. وهذا ما يريده أعداء هذا الدين بحكم إحياء التراث البشري بدعوة القبائل والبرابرة لإحياء لغتهم. ولسنا ضد اللغات، اللغات آيات من آيات الله، ولكن لننظر ما وراء إحياء هذه اللغات، ما هي هذه الدعوة الماكرة لإحياء هذه اللغات في هذا الحين بالذات. Celui le bienfait d'Allah Azza wa Jal, et ensuite le Coran et l'Islam, les gens du Maghreb seraient restés des berbères qui ne parlaient que le berbère, ainsi que les gens de l'Algérie, une grande majorité va parler le Kabyle, et une grande majorité dans le sud, parmi les Touaregs et autres, vont parler leur Tamashirt, et ainsi de suite. Et les populations de Tunisie, la même chose, ainsi qu'en Syrie, ainsi qu'en Égypte. C'est pour ça, et c'est ce que veulent les ennemis d'Allah Azza wa Jal, la dispersion dans les dialectes. C'est pour ça qu'il y a cette da'wah actuellement qui se fait sur l'étendard, faire revivre et ne pas oublier l'héritage et les cultures du monde et de l'humanité. Partant de cette étiquette, il faut revivre les langues berbères. Il faut revivre certains dialectes parce que ça fait partie de l'héritage humain. On n'a rien contre les langues. Les langues sont un signe d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière cette da'wah. Surtout maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un combat contre l'islam avant tout. C'est un moyen pour couper les musulmans de la langue arabe. Et pour les pencher sur l'étude des dialectes et perdre leur temps à étudier des dialectes et devenir après des noms qu'ils ne comprennent plus la langue arabe. فانظروا بارك الله فيكم كيف كان يحرص المسلمون قديما وحديثا على اللغة العربية كما كانوا يحافظون على القرآن وعلى الدين. Regardez, les musulmans avant, à travers les siècles, à travers l'histoire musulmane, comment ils préservaient la langue arabe, ils s'occupaient de cette langue, comme ils préservaient le Coran et comme ils s'occupaient à l'apprentissage du Coran et de leur religion. فانتبهوا إلى خطورة دعوة إلى اللهجات وإلى إحياء اللهجات. فمع مر الزمان تتحول هذه اللهجات إلى لغات. فأعداء الإسلام بثوا في بعض الأقطار فكرة إحياء اللهجات كالكردية والبربرية والقبائلية والأمازيغية وما إلى ذلك. واللائحة طويلة، وكل هذا وسيلة من وسائل محاربة هذا الدين. Devez faire attention, frère en Allah Azza wa Jal, à ces da'awat, à ces appels qui se font. Faites de faire revivre ces dialectes. Parce qu'avec le temps, ces dialectes vont devenir des langues. Et les ennemis d'Allah Azza wa Jal ont planté des graines à travers le monde musulman pour faire refaire et appeler à faire revivre ces dialectes, comme le kurde, comme le berbère, comme les différentes langues kabyles, et comme l'amaziria, et bazinta, et la liste est longue. Fafi tamaninat, tadaharat qabail tizi ouzou, li kaytou dresa, al qabailia fil madaris ou fil ma'ahid al jazairia. Wa kana dalika min ba'di shababi amazigh al maghariba kadalik. وكل هذا بزعمهم أنهم يريدون حماية الثقافة والإرث الإنساني، ولكن هذه مكرة مكروها، وما هي إلا حرب للإسلام وللغة القرآن. Dans les années 80, il y a eu des révoltes en Kabylie pour demander qu'on fasse enseigner la culture et la langue kabyle à travers les institutions. Ce genre d'événement s'est passé aussi au Maroc. Tous ils prétendent protéger l'héritage humain. Mais ça, ce sont des insinuations des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Hein? Soi-disant protéger l'héritage humain, mais en réalité c'est un combat. C'est une ruse pour combattre la langue du Coran et pour éloigner les générations du nord de l'Afrique de leur langue arabe. Et de la langue, et de les éloigner de la langue du Coran. هذه اللهجات لو كتب لها أن تصبح لغات لقطعت التفاهم وسبيل التفاهم بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والحمد لله حتى عوام المسلمين أدركوا خطورة دعوة إحياء اللهجات التي يدعيها بعض المثقفين من ورثة أفكار المستعمرين ومروجيها. سي ديالكت سي لا قدر الله سون دوفوني دي لونغ ils vont compris ils vont couper la communication entre les peuples musulmans. Comment ils vont se comprendre? C'est quoi leur point de rencontre? À travers la planète, il va y avoir une coupure. Il faudra des traducteurs. Hein? La louange revient à Allah Azza wa Jal. Même le commun du musulman se rend compte de cette grande ruse et du danger de l'appel, du fait d'appeler vers le fait de refaire revivre les dialectes. Que certains intellectuels musulmans lèvent l'étendard de cette dawa parce qu'ils ont hérité ces pensées du colonisateur et de ceux qui propagent ces pensées. فالفضل كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والإسلام فلولا القرآن والإسلام وإرادة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء لما حفظت وحدة اللغة رغم كيد الكائدين من دعاة إحياء التراث القومي وإحياء اللغات واللهجات العامية. هذا الانفصال كاد أخيرا أن يقع ولا زالت تسعى وراءه المؤامرات التبشيرية فالاستعمار والتبشير. لما اصطدم بهذه الوحدة الدينية واللغوية بين هذه البلدان العربية والإسلامية المفرقة سياسيا عمد إلى هذا الأمر الدعوة إلى إحياء اللهجات. Tout le vouloir revient à Allah Azza wa Jal. Et si ce n'est le Coran et l'Islam, l'unité de la langue arabe ne serait pas protégée. C'est avec le Coran, c'est le Coran et l'Islam qui a fait la protection de la langue arabe. Malgré toutes les attaques que subit la langue arabe, et malgré toutes les ruses et les manigances qui sont employées à ce sujet, par ce qui appelle le fait de revivre l'héritage international, l'héritage humain, et faire revivre les dialectes. Cette séparation a failli voir le jour. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé cette communauté de cette catastrophe. Et encore de nos jours, les congrès évangélistes et autres et les anciens colonisateurs continuent à penser et à faire des stratégies comment y arriver. Parce qu'ils se sont heurtés à une unité inébranlable qu'ils ne peuvent pas casser, qui est l'unité religieuse et l'unité de la langue entre ces pays qui sont séparés politiquement. Mais ils ont un ciment entre eux, la langue arabe, le Coran, la Sunna, l'Islam. Malgré leurs faiblesses, ces trois matières font le bloc. فهؤلاء المبشرون يسجلون ويروجون لباطلهم بكل اللغات واللهجات. فخذ مثلا ما يوزع في الطريق في العطلة الصيفية على المغاربة والجزائريين والتونسيين القاصدين بلادهم عبر البر عبر البر كمية هائلة من الأشرطة والكتب أشرطة سمعية ومرئية باللهجات المختلفة وبالدارجات المختلفة. أفلام كرتون للأولاد عن حياة عيسى وعن المسيح وعن وعن وعن بالقبيلية والشلحة كل هذا حبا في أعينهم. لا والله. Par exemple, ce que font les évangélistes, comment ils propagent leur faux avec tous les dialectes qui existent. Par exemple, on traverse les routes qui vont emmener vers Al-Jaziraf, tu vas voir, dans les aires de repos, ce que ces évangélistes distribuent comme livres et comme cassettes et comme CD pour propager la religion fausse qu'ils propagent en différentes langues, en kabyle, en berbère, en différents dialectes maghrébins. Tout ça pour les beaux yeux du maghrébin? Par Allah que non. والمفكرون والأدباء المعاصرون يبذلون أقصى جهدهم لإحياء اللغات العامية وهذا مخطط Nakirun dit de l'islam ou le musulman. Et les littéraires, ainsi que les penseurs contemporains, font beaucoup d'efforts pour refaire revivre ces langues, ces dialectes. Et ça, c'est une stratégie très dure pour combattre l'islam et les musulmans. Voilà, vous tentez de parler à la amrine et à l'ikhwa. يجب أن تدركوا أن الذي وقف في وجه الاستعمار في البلدان الإسلامية هو الإسلام قبل أن يقف أصحاب الفكر الجديد والأحزاب السياسية المخترعة على النمط الغربي. هذه الأحزاب المستعمر هو الذي أوجدها. هذه الأحزاب السياسية الموجودة الآن في البلدان الإسلامية هي على نمط الغربي وأوجدها المستعمر حتى أنه كون من يكون على رأسها في البداية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. خوني قاعد قيرون الله عز وجل تبغوين كي اندبغوا بعض نتخستوا فكون ساش كسكي في بلوك وكولونياليسم dans les pays de l'islam ce n'est pas les penseurs ni les littéraires ni les partis politiques qui ont une réplique des partis occidentaux. Ces partis politiques qui existent maintenant dans les pays islamiques, c'est une réplique, c'est une photocopie de beaucoup de partis en Europe. Ils ont été créés par ce colonisateur lui-même, par des insinuations directes ou indirectes. Et des fois même, c'est ce colonisateur qui a formé les premiers, qui ont été les pions, qui ont été les fondateurs de ces partis. Mais c'est passé en Afrique du Nord et dans beaucoup d'autres pays. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on lit notre histoire, il faut la ramener à une certaine réalité pour bien comprendre qu'est-ce qui fait la force de cette communauté qui est la communauté musulmane. Le muslim كان محافظا على دينه غيورا عليه وكان يرفض التفريط في دينه ويرفض أن يتنازل عن إسلامه ليتبع نظام المستعمر وكان يقاوم ويقف في وجه المستعمر معتزا بدينه وبإسلامه وبقرآنه وبنبيه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. المسلمون dans le passé il était très jaloux de sa religion. Il refusait de négliger sa religion. Il refusait de faire des concessions pour sa religion, pour suivre le plan politique que lui impose le colonisateur ou autre. Et il se mettait en avant de ce colonisateur en ayant la fierté dans sa religion et dans son islam et pour son Coran et pour le prophète de l'islam et pour la sunna du prophète d'Allah Azza wa Jal. Fait tarikh fattalana كيف قام الجزائريون والمغاربة وغيرهم ضد الطاغوت الفرنسي انطلاقا من إسلامهم وكيف رفضوا الانصهار والاندماج في النظام والمبادئ الفرنسية لأنها مخالفة لعقيدتهم. لقد رفضوا الاندماج لأنهم مسلمون وفضلوا دخول السجون وأن يعذبوا وأن يقاسوا من الإرهاب على الاندماج في النظام الفرنسي لأنه نظام كافر. وكذا المغاربة وكذا السوريون وغيرهم قاوموا بدينهم. L'histoire, dans les annales de l'histoire, nous est conté que le peuple algérien, marocain, autres, syriens et autres, ont combattu le tarot colonisateur français partant avec leur religion. Ils ont refusé de fondre dans la da'wa que leur fait le colonisateur et de fondre et de se soumettre aux principes français parce qu'ils étaient en divergence avec le aqida. Ils ont refusé de fondre dans ces principes parce qu'ils étaient musulmans, ils étaient soumis à Allah Azza wa Jalla. Ils ont préféré moisir dans les prisons et subir toute forme de torture que de fondre, non ? La politique que voulait leur imposer le colonisateur. Il en est de même à travers l'Afrique du Nord et à travers d'autres pays. فالإسلام في الحقيقة هو الذي وقف في وجه الاستعمار وفي كل وفي وجه كل شيء. ولا زلنا نسمع في هذا المحيط الذي نعيش فيه أنه من علماء الاجتماع أنه يصعب اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية. فنقول حمدا لك يا رب، حمدا لك وشكرا لك أن أنعمت علينا بالإسلام وأكرمتنا بالسنة وجعلتنا أمة خاصة. وهذا شيء يتغافل عنه أمثال كويسان وغيره من دعاة الاندماج في المجتمع الأوروبي، وهؤلاء في الحقيقة دعاة إلى مسخ الشخصية المسلمة. Donc, c'est l'islam qui s'est opposé aux colonisateurs. C'est l'islam qui s'est opposé à toute forme d'influence. Et vous entendez toujours, vous l'avez entendu, vous n'allez pas cesser de l'entendre, notre milieu part. Les sociologues de l'Europe, hein, qu'il est difficile d'intégrer la communauté musulmane dans les sociétés occidentales. Nous disons, louange à Allah Azzawajal, qu'il a fait de nous une communauté particulière, qui ne font pas dans la masse. Et ça, ce sont des points sur lesquels sont des du'at comme Kuisen, du'at d'Yel Ikhwan Aoula. Ils sont insouciants de cette situation quand ils appellent la population musulmane de France et d'ailleurs de fondre dans la masse et d'être intégrés. Ceux-là, ils appellent à défigurer la personnalité musulmane qui est une personnalité particulière. Quelque part, on est intégré. Nous faisons nos courses à Casino, à Auchan, dans tous les magasins qui existent. Il est évident qu'on n'achète pas de vin. C'est normal. Il y a beaucoup de Français même de Suche qui n'achètent pas de vin, qui ne boivent pas de vin. Certains parmi nous ne votent pas par principe religieux. Combien de Français ne votent-elles pas non plus? Et ainsi de suite. L'intégration, elle existe. On perfectionne la langue de ce pays. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous, ces du'as qui nous appellent à fondre dans la masse? Ils veulent de nous d'être dépersonnalisés, d'être des loques. فطريق التخلص من الإسلام هو حث الشباب وترغيبهم بشتى الوسائل على الاندماج في مجتمعهم ومحيطهم الغربي الأوروبي كما يدعوهم إلى ذلك من لا علم له ولا فقه له، ومع الأسف من جلدتنا ويتكلم لغتنا ويتصدر للدعوة والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يريح الشباب من شرهم. وتسمع من بعضهم كلاما يندى له الجبين، أنت فرنسي وبعدها مسلم. ما كان سلفنا هكذا، كان سلفنا يعتزون بإسلامهم. فهذا عمر بن الخطاب يقول: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. Se débarrasser de l'islam, c'est d'inciter les jeunes par différents moyens à fondre dans la masse et à se débarrasser d'eux et à délaisser d'eux un petit peu de leur eux-mêmes et de leur personnalité et à fondre dans ces sociétés européennes, comme les appellent parmi ceux qui sont musulmans et qui parlent la même langue que nous et qui maîtrisent la langue arabe, mais malheureusement ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de jurisprudence. De fiqh dans la religion de l'Allah. Et ils sont en avant de la scène, ils émettent des verdicts et des orientations. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide, ou là qu'il, hein, qu'il les enlève des chemins des jeunes. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous débarrasse de leurs idées et qu'ils ne soient pas un obstacle devant la jeunesse musulmane à travers l'Occident. Et tu entends chez certains des paroles, tu as des sueurs froides qui te tombent des fois. Tu es français avant d'être musulman. Qu'est-ce que ça veut dire, l'islam? Le plus d'ailleurs d'Allah alayhim, ils n'étaient pas ainsi. Écoutez cette noble parole d'Omar ibn Khattab qui disait: nous étions des gens avilés au plus bas degré. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés avec l'islam. ici nous cherchons l'honneur dans autre chose que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rabaisse. وتقابل هذه الدعوة في البلدان الإسلامية دعوة إحياء اللغات واللهجات المحلية والعامية باسم التراث والإرث الإنساني. وهذه حرب على الإسلام ووسيلة لحرب الإسلام ولغة الإسلام، حتى أنه صدرت منذ سنين كتب في قواعد بعض اللهجات كالبربرية، وهذا من أصدر أول كتاب في قواعد النحو البربري والصرف البربري هذا شارل دوفوكو، وهذا مسيحي خرج إلى صحراء الجزائر ومكث هناك وجمع قواعد والنحو الذي تتمشى عليه اللغات البربرية، وترك هذا الكتاب الذي هو أصل هذه الدعوات الخبيثة. وفي دعوات إلى اللهجات اللبنانية والسورية وجدت معاجم لهذه اللهجات، ولا تخلو جامعة من جامعات الغرب من فرع تدرس فيه اللغة العربية، وبجانب اللغة العربية تدرس اللهجات المغربية والجزائرية والمصرية والسورية. لماذا؟ حبا في الجزائرية وحبا في السوري لا يخل الإسلام، لكي لا يتمكن الذي يطلب اللغة من لغة القرآن، وأن يبعد ما استطيع إلى ذلك سبيل عن لغة القرآن الحق. Et donc, en face de cette da'wa en Occident, il y a une autre da'wa dans les pays de l'islam, qui est la da'wa de faire revivre l'héritage humain et l'héritage international à travers les dialectes et les langues locaux. Au nom de la culture internationale. Et ça, c'est une da'wa pour combattre l'islam et pour combattre la langue de l'islam. Et puis, belle lurette maintenant plus, hein, a existé un dictionnaire des langues berbères. Ce dictionnaire a été réuni par l'animia Charles de Foucault, qui était un chrétien, qui s'est réfugié dans le Hoggar algérien, et il a fait les règles de la grammaire, etc. Pour les beaux yeux du berbère, non, loin de là. Pour arriver à cette dawa, maintenant, pour que ça soit une source, pour appeler les gens à délaisser la langue du Coran. Et aussi, on a fait exister aussi des dictionnaires des dialectes libanais, syriens et autres. Pourquoi? Pour les beaux yeux du Libanais ou du Syrien? Loin de là. C'est pour couper les gens et la jeunesse de la langue arabe pure qui est la langue du Coran, et qu'ils se perdent dans les dialectes. Et dans les différentes universités d'Europe, existe une section de langue, et notamment de langue orientale, dans laquelle on peut apprendre la langue arabe. Mais à côté de la langue arabe, on a toute une panoplie de dialectes. Alors certains, ils ne savent pas, ils s'orientent vers le dialecte algérien, d'autres vers le dialecte maghrébin. Est-ce qu'avec le dialecte algérien, ou marocain, ou syrien, il va comprendre le Coran? Et tout ceci, ce sont des moyens pour éloigner la jeunesse et ceux qui veulent se pencher sur le Coran, les éloigner de la langue du Coran. فهذه الدعوات إلى هذه اللهجات كلها خطيرة جدا، فهي دعوة تدعو إلى تحويل هذه اللهجات إلى لغات، وإذا تحولت إلى لغات تعذر التفاهم فيما بين هذه الشعوب، واندرست اللغة العربية وأصبحت نسيا منسيا. Faites d'appeler aux dialectes, faire revivre les dialectes, ceci est très dangereux. Parce que si, la qadar Allah, ces dialectes deviennent le moyen de communication entre les peuples, mais il n'y aura plus de communication entre le monde musulman. Parce que les dialectes sont différents. Et dans ce cas-là, la langue arabe pure va être perdue. Et va tomber dans les bliettes. Voilà qu'il Rabbuka bin Mirsad. Yuriduna liutfi'u nura Allah bi afwahim. Wallahu mutimmu nurahu wa law kariha al-kafirun. Ton souverain, il est là. Ils veulent, comme il est dit dans le verset, ils veulent éteindre la lumière d'Allah Azzawajal avec leur bouche, mais ils n'y arriveront pas. La lumière d'Allah Azzawajal va s'accomplir malgré les associateurs et malgré les mécréants. Falhamdulillah, il an wa anta tasma'u li khatib min Misr ou le Soudan ou le Saoudia, tafhamou. Limada? لأنه يتكلم اللغة العربية، لأنه يستعمل لغة القرآن، ولكن لو سيطرت اللهجات لما تمكننا من ذلك. Donc, la louange est à Allah Azza wa Jal, c'est qu'aujourd'hui, tu ouvres ta chaîne, tu écoutes un khatib, le jour de Jumu'a en Égypte, là en Syrie, ou là au Maroc, ou là en Algérie, tu le comprends. Pourquoi tu le comprends? Parce qu'il parle la langue du Coran, parce qu'il parle la langue arabe pure. S'il utilisait les dialectes, tu ne vas pas le comprendre. Et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. فلو تكلم الناس كل بلهجته لما تفهمنا هذا التفاهم ولما كان هذا التقارب. Ici, dans chaque, les gens de chaque pays parlaient leur dialecte, il n'y aurait pas cette compréhension, cette entente et ce rapprochement. وإذا تعلمنا اللهجات وكتبناها انقطع اتصالنا بالقرآن ولما فهمناه ويحصل بذلك الانفصال. انفصال Ici, nous apprenions ces dialectes. On écrit ces dialectes, il va y avoir une coupure avec le Coran. Nous n'allons plus comprendre le Coran. Il va y avoir cette séparation. Il va y avoir cette séparation avec la chose qui fait notre force, qui nous donne cette humilité et cette protection. فبعد خروج الاستعمار من معظم البلدان الإسلامية ترك وراءه التبشير ودعوة إحياء اللغات واللهجات الإقليمية وزرع في الشعوب الاعتجاز بجنسهم وبقبليتهم وبثقافتهم وحضارتهم ولهجتهم وحتى هم على استعمالها محل العربية. فانظر التجارب هنا وهناك والله المستعان. الله عز وجل après que le colonisateur a quitté la majeure pays de la majeure J'étais des pays musulmans, il a laissé derrière lui des émissions évangéliques. Une da'wa qui est la da'wa de faire revivre les dialectes et les langues régionales. Et il a planté dans les peuples le fait d'être fier de sa race, de sa tribu, et de sa culture, et de son dialecte. Et il les a incités à utiliser les dialectes à la place de la langue arabe. Regardez les expériences et vous voyez ce qui se passe. Regardez comment le Kabyle est devenu maintenant. Quelle haine il a contre l'arabe. Il dit de l'arabe que c'est un colonisateur. Alors que l'arabe, les premiers arabes qui sont arrivés vers l'Afrique du Nord, sont accompagnés de Mohammed al-Hussein pour ramener la lumière du monothéisme et sortir les gens des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme. Regardez maintenant comment on parle d'eux. Il y a un certain moment donné au Maroc, le colonisateur a appelé au fait, ils ont appelé ça là le degré berbère, Abdahir al-Barbari, pour séparer les Arabes des Berbères et la culture arabe de la culture berbère qui existait au Maroc. Mais alhamdoulilah, il y avait des gens qui agissaient, mais avec leur religion. Ils ont refusé. Parce que ceci appeler les berbères à utiliser leurs tribunaux de coutume et à laisser la législation musulmane. Hein? Et il y avait des gens parmi les berbères et parmi les arabes marocains qui étaient conscients du danger de la situation. Ils ont refusé, ils ont rejeté. Qu'est-ce qui les a poussés? C'est leur soumission à Allah Azzawajal qui les a poussés. Et non pas autre chose. فمن الذين قاوموا ولا زالوا يقاومون هذه الدعوة الخطيرة دعوة إحياء اللهجات إنهم دعاة الحق ودعاة المنهج السلفي الصحيح الذي هو منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنهم هم المدافعون عن قرآنهم وعن سنة نبيهم وإسلامهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qui combat et qui continue encore de combattre cette da'wa très dangereuse, ce sont les prêcheurs de la vérité. Ce sont ceux qui prêchent la voix du puiseur d'Allah Alim, qui est la voix de Muhammad alayhi salam, de ses compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Ceux qui défendent la parole d'Allah Azza wa Jal, qui défendent la sunna de Muhammad alayhi salam, qui défendent leur messager et leur religion. selon la voix de leur puiseur d'Allah alayhi. ومن الذين اعتبروا معركة اللغة العربية الفصحى معركة الإسلام والقرآن إنهم المسلمون والمؤمنون وكان من أبطال هؤلاء كثيرون فاقرأوا تاريخكم بارك الله فيكم واقرأوا تاريخ أمتكم وستقفون على ما أقول اقرأوا حياة الربدي رحمه الله تعالى وكان من علماء الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي ستدركون في حياة هذا العالم الجزائري أمورا عظيمة في دفاعه عن الدين وعن لغة هذا الدين وقرأوا حياة الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وهو من العلماء المغاربة وستقفون على دفاعه على لغة القرآن وعلى هذا الدين كانوا بارك الله فيكم مواقفهم منطلقة من الإسلام وللإسلام. Et qui sont ceux qui ont considéré la bataille pour la langue arabe une bataille de l'islam et du Coran? Ce sont les croyants véridiques, frères en Allah. Ils étaient des héros sur ce chemin. Lisez votre histoire. Lisez l'histoire de cette communauté. Vous allez vous arrêter sur ce qu'on vous dit. Lisez la vie d'Ibn Badis, rahimahullah ta'ala. Qui a marqué une grande période de l'Algérie sous l'occupation française. Il a été l'un des grands fondateurs, le fondateur, sinon, de l'association des savants algériens. Et il a appelé au Coran, il a appelé à mettre en application l'islam, dépouillé de toute forme d'innovation, et il a défendu cette langue arabe. Lisez aussi la vie de Cheikh Taqi Din Hilal, rahimahullah ta'ala. L'un des grands savants de notre époque et l'un des grands savants du Maghreb et du Maroc en particulier, il a défendu aussi, il a combattu pour l'islam et pour la langue arabe durant l'occupation française. فالمؤمنون خاضوا هذه المعركة ضد المستعمر وضد المبشرين وفضحوا نواياهم ومؤامراتهم وبقيت لنا اللغة العربية التي نتفاهم بها وبقيت لغة كلام ربنا الذي يوحدنا وبقيت لنا لغة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التي هي رمز مفتاح وحدتنا فبالقرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة تحصل لنا الوحدة الصحيحة وإلا فلا لن توجد لنا وحدة ولن توجد لنا قوة ولا شرف إلا بهذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. Les croyants, ils ont fait cette bataille contre le colonisateur et contre les évangélistes pour divulguer leurs intentions. Et il est resté pour nous la langue arabe pure avec laquelle on se comprend maintenant. Cette langue qui est la langue de la parole d'Allah Azzawajal qui nous unit. Et il est resté pour nous la langue de notre prophète alayhi salam et la langue de la sunna de notre prophète alayhi salam qui est l'emblème et la clé de notre honneur et de notre unité. C'est avec le Coran et la Sunna, avec la compréhension de plusieurs d'Allah Alim, que nous pouvons nous arriver à une unité et à une force et à un honneur. وعندما تتجه الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة وإلى تطلب أسباب الوحدة فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بالقرآن والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة وهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والفضل كله لله سبحانه وتعالى ثم للإسلام والقرآن والسنة على منهج سلف هذه الأمة. Donc la communauté arabo-musulmane se dirige et cherche l'unité, cette unité ne serait y arrivée qu'avec le Coran et la Sunna, avec la compréhension du puiseur d'Allah. Et tout le bienfait revient à Allah Azzawajal. Et toute la louange n'est due qu'à Allah Azzawajal. C'est avec l'islam et le Coran et la Sunna, le livre d'Allah et la Sunna de son prophète, avec la compréhension du puiseur d'Allah, qu'on arrivera à une unité et à l'honneur et à la suprématie. هذه حقيقة يجب أن نصدع بها. فلا وحدة ولا جمع للشمل إلا بالقرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة وبتوفيق من الله عز وجل قبل كل شيء. فما فعلنا وما ادعينا الوحدة والاجتماع فلا سبيل إلى ذلك إلا بالالتزام بالقرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة وبتوفيق وقبل كل شيء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Ça c'est une réalité qui doit devenir quelque chose d'irréfutable chez nous. Il ne saurait y avoir d'unité ni d'unir et de sortir de la dispersion dans laquelle nous sommes qu'avec le Coran et la Sunna, avec la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhi. Et avant tout, l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Que nous fassions les efforts que nous voulons. Si on ne revient pas à la voie de nos plusieurs d'Allah alayhi, il n'y aurait pas d'unité. L'unité et l'union et la suprématie et l'honneur n'arrivent qu'avec la voie du puiseur d'Allah alayhi. Et la volonté d'Allah Azza wa Jal avant tout. Et l'accomplissement d'Allah Azza wa Jal avant tout. فَنْحْنُ فِي زَمَانٍ وَفِي بِلَادٍ مُحَاطِينَ بِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُحْجِبَنَا عَلْ مَنْهَجِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ لِيَوْمِ الدِّينِ وعن دعوتهم ومن يريد أن يكون حاجزا بيننا وبين الارتباط بعلماء هذا المنهج الرباني الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وبعض هؤلاء يفعلون ذلك جهلا منهم بالإسلام وعدم فهمهم الفهم الصحيح للإسلام أو لأنهم نشأوا وتربوا على مناهج غير منهج سلفنا الصالح رضي الله عنه وبعدهم مضللون والبعض الآخر هم أعداء للسنة وأهل السنة. Nous vivons une époque, frère en Allah, Azza wa Jal, plein d'ambiguïté. Nous vivons dans un milieu occidental où se trouvent des gens parmi nous qui veulent nous éloigner de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim, par tous les moyens, et qui des fois se forment en barrière entre nous, se constituent en barrière entre nous et le fait d'être lié avec les hommes de science dignes du nom et les hommes de science qui suivent la voie de leur plusieurs d'Allah alayhim. Certains parmi ceux-là le font par ignorance parce qu'ils ne connaissent pas réellement la réalité de l'islam et parce qu'ils n'ont pas compris l'islam comme l'ont compris leur plusieurs d'Allah alayhim. D'autres le font parce qu'ils ont été éduqués par des groupes qui leur ont inculqué une autre voie que la voie du puiseur d'Allah alayhim. D'autres, on les a induits en erreur, on les a induits dans l'égarement. Et d'autres, ceux-là, ce sont les pires. Ils le font par haine à la sunna et par haine aux gens de la sunna. Et من أهم الحقائق إخوة الإسلام التي يجب أن تتقرر لدينا أن المنهج الصحيح لفهم هذا الدين هو منهج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله كلهم أجمعون وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. وهو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. فلا سبيل للعزة والنصرة والتمكين إلا بهذا المنهج. لا شرف ولا عزة ولا خروج من الذل والهوان الذي نحن فيه إلا بمنهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وصحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نتيقن هذا أن الله عز وجل إلي دي رياليتي كي دواف إتر إغيفيتابل بور نو كي دواف سانكري أون نو نو دوفون أتيري لاتونسيون دو نو فرير فير سيت رياليتي كو لا فوا أوتنتيك. Pour comprendre cette religion, c'est seulement la voix d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, et de Aisha, et d'Abu Hurairah, et de tous les compagnons de Mohammed et ceux qui les suivent à la perfection. C'est la seule voix qu'Allah a gréée pour nous. Il n'y a pas de chemin vers l'unité, vers l'honneur, la suprématie, si on ne prend pas cette voie-là. Il faut que ça devienne une croyance irréfutable chez nous, et qu'on appelle à cette voie, et qu'on l'inculque à ceux qui nous entourent, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents. فمنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو وحدتنا وهو مستقبلنا وهو فلاحنا في هذه الدار والدار الآخرة وهو وجودنا وكل من يحارب هذا المنهج إنما يحارب الحق ويحارب الوحدة هذه الحقيقة يجب أن ندركها وأن نحملها لغيرنا هذه الحقيقة يجب أن تملأ الدنيا ويجب أن نعلمها إخواننا وأبناءنا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا الله عز وجل فهنا الله عز وجل la voix du compagnon de Muhammad عليه الصلاة والسلام et ceux qui les suivent à la perfection c'est la voix de notre unité c'est la voix de notre avenir c'est la voix de notre réussite dans ce bas monde et dans le delà c'est la voix de notre existence de notre noble existence et de notre bonne existence Et tous ceux qui font la guerre à cette voie, la voie des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, ceux qui les suivent à la perfection, ils font la guerre à la vérité. Ils font la guerre à l'union. Ils sont des obstacles contre l'union. Et ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre, qu'il faut capter, qu'il faut transmettre aux autres. Il faut appeler les autres vers cette réalité-là et leur faire comprendre cette réalité-là. Il faut qu'on remplisse cette dunya avec cette réalité. Il faut qu'on l'enseigne à nos enfants, à nos femmes, à nos parents, à nos mères. فعلماء الاجتماع يقولون أن من مقومات الوحدة التاريخ كما مر معنا. فإن كان التاريخ مقوم من مقومات الوحدة فما تاريخنا أيها الإخوة. Les savants, les sociologues disent que Ce qui accomplit l'unité d'une communauté, c'est l'histoire. C'est son histoire. Ils disent que l'histoire, c'est un des points qui fait l'union et qui accomplit l'union. C'est quoi notre histoire, frère en Allah, Azza wa Jal? Ma huwa al-tarikh alladhi na'tazzu bih? Wa yajib an natamassaka bihi wa an na'tazza bih? Ala innahu tarikh al-islam? Ala innahu tarikh awwal jil? ضحى من هذا من هذا من أجل هذا الدين وهم صحابة رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. Donc quelle est l'histoire qui doit faire notre honneur à nous, notre gloire, à laquelle on doit se cramponner et lire comme il se doit. Il est évident que c'est l'histoire de l'islam et l'histoire de la première génération de l'islam et alors peut-être Mohammed عليه الصلاة والسلام et ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. من الأشياء التي يذكرها علماء الاجتماع لماذا العربي في الجاهلية ما كان يذكر العرب وكان يذكر القبيلة parmi les points sur lesquels attirent l'intention les sociologues pourquoi l'arabe à l'époque pré-islamique ne parle pas de l'arabe en tant qu'unité arabe et en tant que communauté arabe mais il parle tout simplement de sa tribu وذكروا من جملة ذلك ما ذكروا أن العرب كانوا يعيشون بين إمبراطوريتين عظيمتين الفرس والروم فلم يتولد عندهم هذا الإعزاز الكافي كأمة ولكن عندما جاء الإسلام جمع شملهم المبدد ورفعهم من حضيض الوثنية وحملهم هذه الرسالة العظيمة فانطلق بهم فضربوا ضربة دولة الفرس بيد ودولة الروم بيد أخرى فأخذ كل واحد منهم يشعر بنفسه ويشعر بأمته وبعظمة رسالته فالإسلام هو الذي جعلهم أمة وهو الذي كون لهم هذا الكيان والذي هو الذي أعطاهم هذا الشعور شعور بالوحدة وبأنهم أمة donc parmi les choses que citent les sociologues ce que les arabes vivaient entre deux grands empires à l'époque la Perse Et Rome. Rome de l'Orient, là-bas. Et qu'est-ce qui a fait naître chez les Arabes le sentiment d'être une communauté? À cette époque, même en combattant, et les Romains et autres, quand ils revenaient du combat, ben leur poète, il ne parlait pas d'une communauté comme il est cité dans la poésie pré-islamique. Mais il parle de la tribu de Banu Shayban, de Banu Ajloun, de Yeshkourioun, de Banu Kelboun et autres. Mais il ne parlait pas des Arabes. Qu'est-ce qui a fait naître ce sentiment arabe et cette unité arabe? C'est l'islam, c'est le Coran, c'est Sunna. Ce qui a fait, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salam en Arabie et qu'il a sorti les Arabes des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme, c'est à ce moment-là qu'ils se sont soudés, qu'ils ont eu ce sentiment de communauté et qu'ils ont, par cette force de l'islam et cette union que leur a donné l'islam, balayé la Perse avec une main et par l'autre main ils ont balayé la Rome orientale. Et à ce moment-là, ils ont senti qu'ils étaient encore uniques. Ils ont senti leur puissance. Ils ont senti aussi la valeur et la grandeur de ce message. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. لقد أوجد الإسلام للعرب تاريخا يعتزون به ويرفعون به الجباه أوجد لهم تاريخا مشرفا لا يزال يحرك فيهم شعور لا يزال يحرك فيهم شعور العزة والشرف ويدفعهم إلى الطموح في مستقبل عظيم. الإسلام a fait exister pour les Arabes une histoire. Il leur a donné une histoire dans laquelle ils trouvent leur fierté encore maintenant. Ils lèvent leur tête avec cette histoire. Il leur a donné une noble histoire et un noble passé qui ne cesse de remuer leurs sentiments et qui les pousse vers l'avant et vers le fait de rechercher un avenir meilleur. إذا كان التاريخ عامل من عوامل التوحيد فما هو التاريخ الذي يوحد أيها الإخوة؟ ليس أي تاريخ يوحد أيها الإخوة. فالتاريخ ينقسم إلى قسمين، تاريخ حي وتاريخ ميت. Si l'histoire est l'un des facteurs pour créer l'unité d'une communauté, c'est quoi l'histoire qui unit réellement? L'histoire, frère en Allah, Zawajal, c'est pas toutes les histoires qui unissent. Parce que l'histoire est divisée en deux. Une histoire morte et une histoire vivante. التاريخ الميت لا يذكر الناس بشيء من الأشياء تلتقي عليه عواطفهم وتلتف حوله قلوبهم وتسير معه جهودهم. عندما يخذ بعض المتفلسفون ويبدأ يتكلم عن حمورابي وحنا الفاخوري ورمسيس ونابليون وبونابارت والكاهنة وغيرهم، ماذا يحرك فيك يا أخي الإسلام؟ ماذا تعرف أنت عن حنا الفاخوري؟ ماذا يحرك فيك عن الفاخوري؟ ها؟ هذا لا يحرك فيك شيء، فهذا تاريخ ميت. Quand certains commencent à disserter à philosopher, car l'histoire morte ne rappelle rien aux gens. ne leur rappelle pas quelque chose sur laquelle ils vont s'unir et qui va créer un sentiment d'honneur chez eux, où ils vont s'unir autour de cette histoire, où pour cette histoire ils vont faire des efforts. Quand certains philosophes commencent à philosopher et à disserter, ils te parlent de Hammurabi ou de Al-Fakhouri, de Hinn al-Fakhouri ou de Ramsès II ou Ramsès Ier ou là de Napoléon Bonaparte, ou là de Kahina. Par Allah, qu'est-ce que ça fait vivre en toi? Est-ce que ça te fait vibrer le fait d'entendre le nom de ces gens-là? Est-ce que tu connais quelque chose de Hinn al-Fakhouri, qui est un phénicien? Qu'est-ce que tu connais de Ramsès II? Et qu'est-ce que ça, ça doit faire en être toi l'histoire de Ramsès II? C'est un mécréant. C'est un pharaon. Qu'est-ce que ça va faire naître en toi? Ceci, c'est l'histoire morte. لا تدكننا بشيء، لا شيء على الإطلاق يهزنا عندما تسمع رمسيس دو ولا الكاهنة هذه التي جمعت قوة القبائل لمحاربة الجيوش الإسلامية. فهذا تاريخ ميت لا تلتقي عليه العواطف ولا القلوب، ولا يوحد أمانينا وطموحاتنا في المستقبل. دونك الفيت دو بارلي دو الكاهنة كي ال سي اون سورسيير كي ريوني لي فورس اي لي زارمي قابيل اكسيتيرا بو كومباتر لي زارمي مسلمان اون الجيري. فكونت اون اونتون بارلي دو الكاهنة ولا د حمورابي ولا درام سكي سا في ريان اتر اون توا سا تفي ميم با فيفري سا كوز ريان اون توا سي با. Quand tu les entends, il n'y a pas de sentiment qui va t'unir avec quelqu'un d'autre. Parce que il n'y a rien qui va vous unir en parlant de Ramsès II, de Bonaparte, de Kahina. Ça fait naître rien. Ni d'espoir en nous, ni d'inspiration dans le futur. Rien du tout. Walakin, al-tariq al-muwahid, al-tariq al-hay, إنما هو إخوة الإسلام تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا تاريخ حي، عندما تسمع تهتز ويزيد إيمانك وتشعر بشيء، وعندما تقرأ حياة أبي بكر أو عمر أو عثمان تشعر بأنك لم تضحي بشيء للإسلام. هذا تاريخ حي. عندما تقرأ تحيات محمد عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام تقول أين نحن من هؤلاء الرجال؟ هذا يحييك فيك شيئا، وتتساءل مع أخيك بجنبك عن هذه المواقف. والله c'est quoi cette histoire qui unit réellement, c'est une histoire vivante et cette histoire vivante n'est autre que l'histoire de محمد عليه الصلاة والسلام et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Quand tu discutes ou tu entends la biographie de Mohamed Ali Sassoum ou un passage du sacrifice de Mohamed Ali Sassoum ou la de Babak ou la de Omar, mais donc ça fait quelque chose dans ton intérieur. Tu te dis quel sacrifice moi j'ai donné pour cette religion. Il est évident que ça te fait pousser, ça te donne une certaine chaleur dans ton intérieur. Quand tu entends ce qu'a souffert Mohamed Ali Sassoum, ce qu'il a subi de Quraysh, ce qu'a subi Abu Bakr, Omar, Uthman, Ammar, Bilal, Irzouanullah, ça c'est une histoire qui te pince à l'intérieur, dans ton fond intérieur tu réagis. Alors tu entends Ramsès, Akhenaton ou autre, rien. Voilà. Ça c'est une histoire vivante. إنني أستطع أيها الإخوة في الله أن أقف في كل بلد مسلم، أستطع أن أقف في مراكش وفي القاهرة وفي بغداد وفي كراتشي وأنادي يا أبناء محمد، يا حفدة أبا بكر، يا أبناء عمر، يا حفدة معاوية، يا أبناء خالد بن الوليد، يا أبناء طارق بن زياد، ويا أبناء صلاح الدين الأيوبي، أستطيع أن أتكلم بهذا الأسلوب فتجاوبني الصخور وينهض لتلبية الرجال ويلتقي الجميع ويشعرون بأنهم قلب واحد وعقل واحد وإرادة واحدة. ولكن هذا ما إذا قلت رمسيس أو الكاهنة فلا تحرك شيء في الناس. Je peux frère en Allah عز وجل en se mettant debout dans n'importe quel pays de l'islam, à Marrakech comme au Caire comme à Karachi comme ailleurs, et j'appelle où vous les enfants de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, où vous les petits-enfants d'Abu Bakr, où les enfants de Omar, ou de Muawiyah, ou d'Aba Huraira, ou de Khalid ibn al-Walid, où vous les enfants de Khalid ibn al-Walid, ou de Tariq ibn Ziyad, ou de Salah ibn al-Ayyoub, celui qu'ils appellent Saladin. Même les pierres, ils vont me répondre. Et des gens vont accourir, ils vont répondre à mon appel. Et ils vont s'unir sur un sentiment commun. Ils vont devenir un seul cœur, un seul sentiment, une seule raison, une seule volonté. Ça, c'est l'histoire qui est vivante. Et si je me mets debout, lui dit, vous les enfants de Ramsès, qui va me répondre? Personne. Ça ne fait rien d'être dans les personnes. فالتاريخ الحي المجمع هو هذا التاريخ هو تاريخ الإسلام ومن هم الأشد ارتباطا بتاريخهم إنهم المسلمون عامة والسلفيون أتباع صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين خاصة إن التاريخ عندهم مهم تاريخ الإسلام عامة وتاريخ صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين L'histoire qui est vivante et qui unit, c'est l'histoire de l'islam. Et qui sont le plus liés à leur histoire, ce sont les musulmans qui sont liés à leur histoire en général. Et ceux qui suivent la voie de leurs pieux aïeuls en particulier. Car tarikh pour eux, l'histoire pour eux, est très importante. L'histoire de l'islam et des musulmans en général, et l'histoire de leurs pieux aïeuls, d'Allah alayhim, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. فإذا كان كما يقول علماء الاجتماع أن الوحدة تكون بالتاريخ واللغة فإن المسلمين عامة أوفى الناس بتاريخهم ولغتهم لأن لغة كلام ربهم ولغة سنة نبيهم فهم بذلك أعرب بمن يدعي العروبة C'est comme disent les sociologues, l'unité se fait avec l'histoire et la langue. Les musulmans en général, ce sont les plus dignes. Il est plus dévoué pour leur histoire et pour leur langue, qui est la langue arabe, car c'est la langue de la parole de leur souverain et la parole de leur prophète alayhi salam et la parole de la sunna du prophète alayhi salam. Dans ces cas-là, ils sont plus arabes que les arabes qui prétendent arabes. بعضنا ستحدث عن العروبة فإذا دققت معه تجد أنه لا يحسن حتى التكلم باللغة العربية ولا يفهمها جيدا وإذا بحثت معه تجد أنه لا يعرف شيئا عن تاريخ العرب ولا فيه من كرمهم ولا شهامتهم ولا أخلاقهم شيئا إنما هو يتكلم باسم الفكر والأدب personne personne te parle de la culture et de la civilisation arabe. Et quand tu pointilles avec lui et tu commences à les questionner, tu commences à aller au fond avec lui, tu trouves qu'il ne maîtrise même pas la langue arabe, qu'il ne la comprend pas comme il se doit. Quand tu cherches avec lui un petit peu, tu vois, il ne connaît rien de l'histoire des Arabes. Et encore moins, il n'a pas la générosité qu'ont les Arabes. Il a la bravure des Arabes et le comportement arabe. Il n'a rien de tout ça. Mais il part tout simplement par ce point de vue de littéraire, ou là du point de vue de penseur ou de philosophe, point de vue. Ou là par un point de vue et son point de départ, un nationalisme arabe mal placé. فالعروبة الحق هي التي ولدت الإسلام بعقيدته وقرآنه ونبيه وتاريخه وغيرها إنما هي وراء وما يعتز بها La réelle civilisation arabe, c'est celle qui a fait naître l'islam. Avec les croyances qu'il y a dans l'islam, avec le Coran de cet islam, avec le prophète de l'islam, avec l'histoire de ce prophète et l'histoire de cette communauté. En dehors de ça, c'est des futilités. Et ne trouve honneur dans ses futilités que quelqu'un qui n'est pas sincère pour son islam, pour son Coran et pour son prophète, alayhi salatu wassalam. فالإسلام هو الخير وهو سبب الخير وهو الفخار وسبب الفخار للجميع. البعض ينكرون هذه الحقائق عندما نذكرهم بالتاريخ الجامع الموحد. فهيا بنا نرجع إلى الوراء إلى ما قبل الإسلام. ونسأل أنفسنا هل هناك تاريخ يجمع أنفسنا وعواطفنا وقلوبنا الإسلام c'est le bien et c'est la cause de tout le bien. L'islam c'est la fierté et c'est la cause de la fierté pour tous. Certains ne reconnaissent pas cette réalité et ces réalités quand on leur parle de l'histoire qui réunit réellement et qui unit réellement. par Allah, il n'existe pas une histoire qui lui n'est réellement, si ce n'est l'histoire de l'islam. On va essayer de revenir ensemble un peu en arrière et se poser des questions. Où est cette histoire? Quelle histoire nous unit et fait qu'il nous pince dans nos sentiments, dans notre cœur? تصوروا أن أشهر الناس من غير المسلمين أبو جهل. والآن إذا أتيت إلى أحد الناس وقلت له أنت أبو جهل العصر، كيف سيقابلك هذا الرجل؟ ما هي ردة فعل؟ لعله يحيلك إلى المحكمة. ولكن إذا قلت له أنت شافعي العصر وابن تيمية العصر وأنت بلال العصر وأنت الباني العصر، كيف سيرتاح وسيفرح لما قلت له؟ أليس كذلك؟ فلا، هو كذلك. نو إيماجين أفيك موا لا بيرسون نو مسلمان كي يكونو أترافيغ لو موند مسلمان سي كي سي أبو جهل pour l'animosité et la haine qu'il avait contre le prophète عليه الصلاة والسلام. Donc si tu viens à une personne devant toi et tu lui dis « Tu es Abu Jahl du monde contemporain », quelle ça va être sa réaction? Il va être content? Il va te sourire? Peut-être qu'il va te mettre une droite, peut-être. Ou peut-être que même, il va te assigner au tribunal. Parce que c'est une calomnie. Tu l'as calomnie. Mais maintenant, si tu lui dis « Tu es le Shafi'i de ton temps », ou là tu es l'Albani de ton temps, ou l'Albani de ta ville, ou l'Ibn Taymiyyah de ta ville, ou la Bilal de ta ville, ou la Abu Bakr de ta ville, comment il va être? Comment il va t'accueillir? Quelle est sa réaction? Regarde la différence. Voilà, aradna an nuqida imam an-nas wa nuqida imama shuyukh wa shabab idha nadayna fihum ya abna abi lahab wa ya abna aba jahl. والله إن قام الخطيب ونادى بهذا الكلام لن يخرج من المسجد سالما. إذا نادى بهذا الكلام في الناس يا أبناء أبا جهل ويا أبناء أبي لهب، والله إذا خرج حيا فليحمد الله عز وجل. Regardez aussi si nous voulons éveiller la conscience des gens et attirer leur attention, que ce soit les personnes âgées ou là les jeunes. Et on les appelle ou enfant d'Abu Lahab ou enfant d'Abu Jahl. Wallah, le khatib qui monte sur le minbar qui dit ça, peut-être qu'il sortira. S'il sort vivant, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. S'il dit ça et sort vivant de la mosquée, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. فالوحدة فإذا كانت الوحدة تقوم على اللغة في نظرهم فإن وحدتهم في تخلص إخواننا الفلسطينيين والحقيقة أنه لا وحدة إلا بالعقيدة ومنهج أبي بكر وعمر وعثمان، فهي أقوى روابط الوحدة. Maintenant, c'est comme ils disent ces philosophes et ces littéraires et ces sociologues que la langue, c'est elle qui fait l'union. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi ils ne se sont pas unis pour libérer la Palestine? Pourquoi la langue ne les a pas unis, ne leur a pas donné la force pour libérer la Palestine? La réalité, c'est qu'il n'y aurait pas d'unité sans une aqida authentique et sans la voix de le plus grand dans l'alem, qui est la voix d'Abou Bakr, de Omar et de Uthman et des autres. C'est là la forte union et la force corde qui nous lie et qui peut nous sortir de l'abîmement et de l'honneur et qui peut nous libérer. La libération profonde et le sens large du terme. فإذا كانت الوحدة تقوم على اللغة والتاريخ فالذي وحد اللغات العربية واللهجات العربية وأكمل اللغة العربية وحدتها إنما هو الإسلام، والذي حفظ اللغة العربية ومنع من الضياع هو الإسلام، والذي نشرها هو الإسلام. Si maintenant l'unité de l'unité s'accomplit sur la langue et sur l'histoire, qui a fait l'unité des dialectes arabes qui étaient parlés avant l'arrivée de l'islam en péninsule arabique et au Yémen et un peu partout? Hier, je vous ai donné des exemples des différences qu'il y avait entre ces dialectes. et qui a parfait, et qui a complété cette langue, qui l'a rendue parfaite. Qui lui a donné son unité à cette langue? C'est l'islam. Qui a préservé cette langue arabe? Et qui a fait que cette langue n'est pas perdue? Il n'a pas subi le même sort que les autres langues? C'est l'islam. Qui a propagé cette langue à travers le monde? C'est l'islam. وإذا كان التاريخ هو السبب الثاني للاجتماع كما يقولون فالذي جعل العربي يلتقي العرب تلتقي عواطفهم هو الإسلام فاجتماعنا من شتى الأجناس إنما سببه الإسلام فهذه الثمرة إنما هي بفضل الإسلام وفضل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ici comme ils disent l'histoire c'est la deuxième cause pour l'union comme ils disent ce qui a fait l'union des Arabes et a fait que leurs sentiments soient unis, c'est l'islam. Notre réunion maintenant. Et la réunion à travers le monde musulman de différentes nationalités, de différentes races. Qu'est-ce qui la cause? Sinon l'islam. Nous, entre nous, il y a peut-être 3 nationalités ou 4 nationalités. Qu'est-ce qui nous a unis? Sinon l'islam. Sinon la da'wah de nous plusieurs doit Allah aller, tout simplement. فالإسلام هو الذي فبالإسلام صار بعض المستغربة فهذا الإسلام الذي صار بعض المستغربة يخجل منه ويخجل أن يتكلم بحقائقه أليس الإسلام هو الذي يجب أن يكون أصل حياتنا أليس الإسلام فضل علينا أليس الإسلام وحي وحي ربنا ولماذا نخجل من إسلامنا ومن منهج سلفنا الصالح رضي الله عليه الإسلام que certains occidentalisés maintenant qui sont des enfants de cette communauté ont honte de parler des réalités de l'islam et des sentences et des lois qu'il y a dans cet islam l'islam n'est-il pas l'origine de notre vie et l'origine du bien dans notre vie L'islam a un grand bien fait pour nous. L'islam est une révélation min Allah Azza wa Jal. Pourquoi avoir honte de l'islam et des réalités de l'islam? Et pourquoi avoir honte de la voix de nos plusieurs d'Allah alayhim? وَالَّذِينَ يَصْدُرُوا مِنْهُمْ هَذَا التَّصَرُّفْ يَا أَنَّهُمْ جهلة لم يفهموا الإسلام أو أنهم متآمرون على الإسلام وأهله. ceux duquel iman serait ce genre de réaction, qui ont ce genre de réaction, soit ils ignorent la réalité de l'islam, soit ils manigancent contre l'islam et contre les gens de l'islam. فهذه حقائق إخوة الإسلام أرجو أن نفهمها جميعا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرجع الجميع إلى الحق. وأن يعرف الجميع أن الإسلام هو مصدر خيري الدنيا والآخرة. Ça, ce sont des réalités, frères en Allah, Azza wa Jal. Il faut qu'on les comprenne. On espère que beaucoup, que tout le monde la comprenne. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse revenir tous à la voie de la vérité, à la voie de nos plusieurs, wallah alayhim. Et que tous connaissent l'islam comme il se doit. Et connaissent cet islam transmis par nos plusieurs, wallah alayhim. Et sur laquelle était le puiseur d'Allah Alim, car c'est l'islam qui fera notre bien dans ce bas monde et dans le-delà. Et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui protège cette religion. Nous avons descendu la révélation et nous allons la protéger. L'islam سيعيش في قلب كل مسلم. في كل زمان وكل مكان رغم أنوف الكفرة والمعاندين والخونة الإسلام vivra dans le cœur de chaque musulman en tout lieu, en tout temps malgré les mécréants malgré ceux qui sont entêtés malgré les traîtres فدعوة الإسلام على منهج السلف الصالح يجب أن نحملها يا إخوان بقلوبنا ولا نبتغي من وراء حملها أجرا من أحد ويجب أن لا نخاف فيها أحدا هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة يجب علينا أن نستمر على هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين. وبإذن الله ستمكننا هذه الدعوة إن قمنا بها بإخلاص وعلى الطريق الصواب والطريق الصحيح الدخول إلى القلوب وإلى العقول وإلى البيوت وتعيش هذا الدين بمنهجه الحق ولقد رعاش رغم كل شيء. لدعوه الإسلام كي لدعوه السرطة لدعوه لبزار دو الله عليم ندبون لأبرون ندبون لوي دوني لبار دو ليون دون لكور. Et quand on la propage, on ne cherche que l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la récompense min Allah Azza wa Jal. Nous ne devons avoir peur de personne pour cette da'wa qui était une da'wa bénite min Allah Azza wa Jal, la da'wa du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam avec la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhi. Il faut que nous restions constants sur cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour nous. Malgré les manigances des ennemis et la jalousie de ceux qui sont jaloux de cette da'wa et de cette voie. Et avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, avec cette da'wa bénite min Allah Azza wa Jal, nous allons conquérir les cœurs et les maisons et les raisons. Et cette voie vivra comme il a vécu auparavant, malgré tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège sa religion. Il protège cette noble voie qu'il agrée, qu'il aime, qu'il a fait obligatoire que les musulmans doivent suivre. وهذه طريفة من الطرائف حكى بعض الإخوان الجزائريين مرة في هذا جرت في أيام الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية. رجل بئيس فقير يمشي ونعليه تحت إبطيه يلهث بكلام ظنه الأخ أنه يغني، فعندما اقترب منه سمعه يقرأ القرآن ويرتل القرآن. ومرة كنا في جولة مع الأولاد على عربة يجرها حصانين في مدينة مراكش حول أسوار مدينة مراكش، وكان الوقت بين المغرب والعصر، فالسائق ما بال بنا ونحن ولا الأولاد، بدأ يقرأ وذره اليومي من القرآن ويرتل من الجزء الثالث من سورة البقرة أظن. وبعدها وكانت والجولة دامت ساعة، بدأ بأذكار المساء أتى بأذكار المساء، فوالله لن يضيع هذا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى حافظه. وما دامت هنالك قلوب تلهث به في الفلوات وفي شتى الأماكن وتتحرك به الشفاه، فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ قرآنه وحافظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل مكان وفي كل زمان. Donc voici une petite histoire qui peut te rappeler que ce Coran, cette religion restera protégée min Allah Azza wa Jal. Parce que la chose que Allah subhanahu wa ta'ala protège, rien ne peut l'altérer. À l'époque de la colonisation française, le pauvre monsieur traversait le désert et tout d'un coup un frère le voit. Et ce pauvre monsieur avait ses chaussures sous, ses aisselles. Et il marchait dans le désert. Et le frère au loin, il croyait que cet homme était en train de chantonner quelque chose. Mais en réalité, cet homme était en train de lire le Coran. Et de psalmodier le Coran, comme il se doit, en traversant, faisant sa traversée du désert. Il y avait une fois aussi avec nous une histoire avec les enfants à faire une balade autour des remparts de Marrakech qui dure à peu près une heure. Le temps était entre le Maghrib et l'Isha. Et le monsieur, le conducteur, Allah, il n'a pas pris en considération les trois enfants qui crient derrière. Et moi et leur maman, il ne les a pas pris en considération. Mais il a commencé à lire son hizb de la journée. Dans son surat al-Baqarah, je crois que c'était la troisième partie. Il a entamé la troisième partie. Et après, quand il a terminé son hizb du Coran, on le psalmodie, on lisant d'une belle lecture, il a continué à faire les doigts du soir. Allah subhanahu wa ta'ala protège ce Coran. Et ce Coran ne se perdra jamais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le protège. Et il y aura toujours des cœurs à travers le désert, en tout lieu, dans les bâtiments, dans les buildings aux États-Unis, partout, qui vont prononcer ce Coran, qui vont lire ce Coran, et qui vont prononcer des glorifications à Allah Azza wa Jal. فالإسلام لا تخشى شيئا يا أخي الإسلام الإسلام سينتقل من عصر إلى عصر والإسلام سينتقل من بلد إلى بلد يحمله المؤمنون من الشباب الأغيار الأطهار ومن العمال ومن الفلاحين ومن الفقراء ومن البائسين المؤمنون من كل طبقات المجتمع تحمل هذا الدين الإسلام va traverser les frontières. Il les traversera, il les a traversées déjà. L'islam va errer à travers le temps. Jusqu'à la fin du temps, il existera. Et porte cet islam, toutes les catégories sociales parmi les croyants, les cultivateurs, les maçons, les chômeurs, les jeunes, les personnes âgées, etc. فَلَقَدْ حَاوَلَتْ فَرَنْسَا فِي الْجَزَائِرِ وَفِي الْمَغْرِبِ من أن تخلق اللغة العربية لكي تتمكن من خلق الإسلام وإذا بالإسلام يبقى وإذا بالإسلام يعيش ويزلزل دعائم الاستعمار ويخرجه من الجزائر وإذا بنا نحن الآن ماذا نرى دعاة فرنسيين من أصل فرنسي تخرجوا من جامعة الإسلامية بالمدينة فيدعون إلى الإسلام على المنهج الحق على منهج صحابة رسول الله وتابعين ومن تبعهم بإحسان لهم منذ أسبوعين من كان معنا هنا في الجلوس عباس تميسا هذا أصله بولوني فكانوا يحاربون اللغة العربية في بلدان الإسلام فإذا بها يتقنها أبناءهم من أوروبيين الأصليين ويدعون إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليه كل ما يجري وراءنا يجب أن نتدبر ونأخذ منه الدرس والعبرة لنرى أن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين وهذا المنهج الذي ارتضاه ولكي يزداد يقيننا بالله عز وجل وبديننا وبنبينا وبهذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى La France a essayé d'éradiquer la langue arabe en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., pendant la colonisation. Pour qu'ils puissent étrangler l'islam. L'islam est resté. La langue arabe est restée. Et c'est l'islam qui a ébranlé la force du colonisateur qui l'a foutu dehors. Les différents pays, quand les combattants ils sont sortis au nom de l'islam, maintenant, on voit maintenant ces gens qui combattaient la langue arabe dans les pays de l'islam, voit maintenant des jeunes français, de souches françaises ou polonaises, qui maintenant font la da'wa vers la voie de l'upuzer d'Allah alayhim et qui maîtrisent la langue arabe après avoir étudié à Médine ou au Yémen ou autre. Ceux-là étaient là avec nous il y a 15 jours, qui est notre frère Abbas Meseta, qui est d'origine polonaise. Regardez comment il maîtrise l'arabe. Regardez comment il arrive à transmettre le message du monothéisme. Regarde aussi notre frère Haïti au Canada et un petit peu partout. Le frère jamaïcain à Birmingham en Angleterre et autres à travers le monde. Ce genre d'événement doit attirer ton attention. On combat la langue arabe il y a quelques années dans les pays de l'islam pour l'irradier. On est en train encore, les ennemis d'Allah sont en train encore d'utiliser tous les moyens pour combattre cette langue arabe. Et d'Europe sort des jeunes, des juges européens qui maîtrisent la langue arabe, qui font la da'wa vers la voie du puiseur d'Allah. Si tu dois te pencher dessus, tu dois prendre le sens ceci au monde. La valeur de cette religion, Allah protège cette religion et protège cette voie qu'il aime et qu'il agrée. Tu dois te pousser encore en avant, te donner encore plus de certitude sur ta religion et sur le prophète de cette religion et sur la voie de tes plaisirs. Inna l'islam huwa alladhi awjada lana hadha al-watan shasi' wa inna l'islam huwa alladhi 'arrabana wa huwa alladhi awjada lana lughatana wa hafidha lana. إن الإسلام هو سبب عزتنا ووحدتنا فللإسلام الفضل في كل خير عاشه أسلافنا ونعيشه، فلله الحمد أن هدانا للإسلام ووفقنا للسنة ولمنهج سلف هذه الأمة. الإسلام خير عن الله عز وجل، c'est lui qui nous a fait exister cette nation qui est énorme, qui va du Pacifique à l'océan Atlantique. Énorme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'unisse sur un seul étendard. C'est l'islam qui a fait de nous que nous sommes des Arabes, que nous parlons arabe. La majorité des pays du Maghreb d'origine berbère. Hein? C'est l'islam qui a fait exister pour nous cette langue, qui a donné la force à cette langue. Et c'est l'islam la cause de notre gloire, de notre honneur, de notre unité. Hein? Tout le bien est à Allah Azza wa Jal, et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. Et tout le bien dans lequel on vit et qu'on vit qui ne puisait pas Allah Alim, ils l'ont vécu par l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toute la louange de nous avoir guidés, d'avoir fait de nous des musulmans et de nous avoir accomplis sur la voie de ne puisait pas Allah Alim. والإسلام هو السبب في دخولنا التاريخ بعزة وشرف، فإننا لم ندخل التاريخ بأبي جهل ولا أبي لهب ولا الكاهنة، ولكن دخلنا التاريخ بمحمد وصحبه الكرام، وفتحنا الدنيا ببدر ومؤتة واليرموك، ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع، ولكن حكمناها بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، بهذا حكم أسلافنا الدنيا، ولم نحمل إلى الناس رسالة ماركس وليلين وحن الفاخوري أو رسالة اللات والعزة، ولكن حملنا لهم رسالة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الإسلام هو la cause de notre entrée par la plus grande des portes dans l'histoire. L'islam c'est notre honneur, c'est notre suprématie. On n'est pas rentré dans l'islam avec Abu Jahl ni Abu Lahab. On est rentré dans l'islam par Mohammed alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Hein? Nous puisèrent d'Allah alayhi, ils ont conquis le monde connu à cette époque par la bataille de Badr et par la bataille de Mu'ta et par l'Yarmouk. Ils n'ont pas géré le monde avec le Mu'allaqat Sab. Le Mu'allaqat Sab, c'est une fierté dans la poésie pré-islamique. Mais ils ont géré ce monde, ils ont gouverné ce monde avec le Coran et avec la sunna du prophète alayhi salam. Ils n'ont pas amené aux gens le message de Marx et de Lénine, ni de celui de Hinnal Fakhouri ou de Lat ou l'Uzza, mais ils leur ont amené, ils leur ont transmis le message de l'unique, celui qui est le seul digne d'être adoré et celui auquel nous devons réserver le culte exclusivement. فلا بد لنا أيها الإخوة أن نتمسك بإسلامنا وأن نتمسك بقرآننا وأن نتمسك بسنة نبينا وأن نتمسك بمنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه عقيدة ومنهجا. يجب أن نموت على هذا وأن نحيا عليه. شباب، تعلموا لغة هذا الدين وتعلموا اللغة العربية، ولا تتعلموها من منطلق قومي، ولكن تعلموها لأنها لغة كلام رب العالمين ولغة نبيكم عليه الصلاة والسلام ولغة سلفكم الصالح رضوان الله عليه، واعتزوا بها وشرفوها، لأن اللغة العربية مفتاح التلدد بهذا الدين وبعلوم هذا الدين. وارحلوا في طلب العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وسلفكم الصالح ساد الدنيا وقادها بالعلم النافع، وهو منبع العمل الصالح رضوان الله عليه. فخون الله عز وجل، vous devez vous cramponner à votre religion. Vous cramponner au Coran. Vous devez vous cramponner à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Vous devez vous cramponner à la voie de vos puiser رضوان الله عليه. Vous cramponner à leur dogme, à la compréhension qu'ils avaient de cette religion, à leur comportement. Et vous devez vivre sur leur voie et mourir sur cette voie-là. Et faites les du'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accomplit sur cette voie et que vous terminiez votre vie dans cette voie-là, la voie de vos plaisirs. Apprenez la langue arabe et quand vous apprenez la langue arabe, c'est pas votre point de départ, c'est pas un nationalisme mal placé, mais plutôt vous apprenez la langue arabe parce que la langue arabe c'est la langue de la parole d'Allah, et la langue du messager de l'islam, et la langue de la sunna de l'islam, et la langue de le plus haut d'Allah alayhim. Et vous devez être fiers de cette langue. Et vous honorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné les clés de cette langue. Car la langue arabe, c'est la clé pour prendre plaisir et pour goûter au goût ici de cette religion et des sciences de cette religion. S'il le faut, vous devez émigrer pour l'apprentissage de la science et l'apprentissage de la langue arabe. Car le fait de demander la science est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Et le plus haut d'Allah alayhim, ils ont gouverné, ils ont pris la suprématie sur le monde avec la science bénéfique, qui est la source de la bonne œuvre. Fayyakum wa iyyakum an takhshalu min manhaji salafikum as-salih. Irfa'u rayatah warfa'u bihi jibahakum. وإياكم وإياكم ثم إياكم أن تخسروا معركة العقيدة معركة منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين لأن من باع هذا المنهج هو القرآن الكريم وهي السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة وهو صلة الأرض بالسماء وهو أصل الحياة الكريمة التي نطلب ونريد ولأن أتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة هم أساس كل وحدة والطريق إلى كل وحدة وإلى كل التحرر وإلى الحرية الكاملة المطلقة. قال الله عز وجل: N'ayez pas honte de la voix de vos prières, d'Allah. Levez l'étendard de la voix de vos prières, d'Allah. Levez la tête avec la voix de vos prières, d'Allah. Ne perdez pas la bataille de cette voix. Ne perdez pas, ne soyez pas. Ne partez pas défaits dans vos cœurs. Là, faites triompher le dogme de vos plus aïeuls dans vos cœurs et dans votre vie. Faites triompher la voix de vos plus aïeuls dans votre vie et dans votre entourage. Car la voix du plus aïeuls, c'est la voix du Coran, c'est la voix du Sunna, avec la compréhension de le noble plus aïeuls qui sont le compagnon de Mohammed alayhi wa sallam. Et ceux qui les suivent à la perfection. Et c'est la liaison entre le ciel et la terre. Et c'est l'origine de toute noble vie que nous cherchons, que nous voulons. Et le fait de suivre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi wa sallam avec la compréhension de le plus haut d'Allah alayhim, c'est l'origine et la base de toute union. Et c'est la voie vers l'unité. Et vers la liberté, comme l'a vu Allah Azza wa Jal. وعلى هذا المنهج سيروا إخوة الإسلام دائما وأبدا. عاهدوا أنفسكم بحمل لواء هذا المنهج والذب عليه. واعلموا أن دعوة الحق ومنهج الحق مهما طال الزمان ستكتسح السدود والقيود. وأن التمسك بمنهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم واجب حتم لتحقيق الوحدة وأن الوحدة لا تكون إلا بهذا المنهج. أن الله عز وجل restez constant sur la voie de vos puiser رضوان الله عليهم toujours et prenez le pacte sur vous-même de porter l'étendard de cette voie et de défendre cette voie et de propager cette voie avec sagesse et clairvoyance et science. Et sachez que la da'wa de la vérité et la da'wa de le plus haut d'Allah alayh, malgré, peu importe le temps que ça va durer, ben il va triompher. Il va casser tous les barrages. Il va triompher. Il va casser toutes les chaînes et il va triompher. Le fait de se cramponner à la voix de nos plusieurs d'Allah alim, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de surrogatoire. Il est obligatoire pour arriver à notre unité. Et pour former cette unité et créer cette unité que tout le monde cherche il n'y a qu'un seul voie, la voie de nos plusieurs d'Allah. وربنا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد رضا الله فهو في اتباع سلفك الصالح رضوان الله عليه صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الله عز وجل nous dit et ceux parmi les premiers qui ont émigré de Médine de la Mecque et leurs alliés qui les ont accueillis à Médine et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et au moins ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Tu veux l'agrément d'Allah azza wa jal, tu dois rester constamment et suivre la voie de tes plusieurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, et ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula jalla wa iyyakum min al-muttabi'in wa min al-muqimin وزنا لهذا المنهج إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.